Octavie par Gérard de Nerval. Ce fut au printemps de l'année 1835 qu'un vif désir me prit de voir l'Italie. Tous les jours, en m'éveillant, j'aspirais d'avance la pesanteur des marronniers alpins. Le soir, la cascade ternie, la source écumante du Téverone, jaillissait pour moi seul entre les portants éraillés des coulisses d'un petit théâtre. Une voix délicieuse, comme celle des sirènes, bruissait à mes oreilles, comme si les roseaux de Thrasymène eussent tout à coup pris une voix. Il fallut partir, laissant à Paris un amour contrarié auquel je voulais échapper par la distraction. C'est à Marseille que je m'arrêtai d'abord. Tous les matins, j'allais prendre les bains de mer au Château Vert, et j'apercevais de loin en nageant les îles riantes du Golfe. Tous les jours aussi, je me rencontrais dans la baie azurée avec une jeune fille anglaise, dont le cordelier fendait l'eau verte auprès de moi. Cette fille des eaux, qui se nommait Octavie, vint un jour à moi toute glorieuse d'une pêche étrange qu'elle avait faite. Elle tenait dans ses blanches mains un poisson qu'elle me donna. Je ne pus m'empêcher de sourire d'un tel présent. Cependant, le choléra régnait alors dans la ville, et pour éviter les quarantaines, je me résolus à prendre la route de terre. Je vis Nice, Gênes et Florence. J'admirai le dôme et le baptistère, les chefs-d'œuvre de Michel-Ange, la tour penchée et le Campo Santo de Pise. Puis, prenant la route de Spolète, je m'arrêtai 10 jours à Rome. Le dôme de Saint-Pierre, le Vatican, le Colisée m'apparurent ainsi qu'un rêve. Je m'hâtai de prendre la poste pour Civita Vecchia, où je devais m'embarquer. Pendant 3 jours, la mer furieuse retarda l'arrivée du bateau à vapeur. Sur cette plage désolée, où je me promenais pensif, je faillis un jour être dévoré par les chiens. La veille du jour où je partis, on donnait au théâtre un vaudeville français. Une tête blonde et sémillante attira mes regards. C'était la jeune anglaise qui avait pris place dans une loge d'avant-scène. Elle accompagnait son père, qui paraissait infirme, et à qui les médecins avaient recommandé le climat de Naples. Le lendemain matin, je prenais tout joyeux mon billet de passage. La jeune anglaise était sur le pont qu'elle parcourait à grands pas, et impatient de la lenteur du navire, elle imprimait ses dents d'ivoire dans l'écorce d'un citron. « Pauvre fille, lui dis-je, vous souffrez de la poitrine, j'en suis sûr, et ce n'est pas ce qu'il faudrait. » Elle me regarda fixement et me dit « Qui l'a appris à vous ?»« La Sibylle de Tibur, lui dis-je sans me déconcerter. « Allez, me dit-elle, je ne crois pas un mot de vous. » Ce disant, elle me regardait tendrement et je ne pus m'empêcher de lui baiser la main. « Si j'étais plus forte, dit-elle, je vous apprendrais à mentir. » Et elle me menaçait en riant d'une badine à tête d'or qu'elle tenait à la main. Notre vaisseau touchait au port de Naples et nous traversions le golfe, entre Ischia et Nisida, inondé des feux de l'Orient. « Si vous m'aimez, reprit-elle, vous irez m'attendre demain à Portici. Je ne donne pas à tout le monde de tels rendez-vous. » Elle descendit sur la place du Môle et accompagna son père à l'hôtel de Rome, nouvellement construit sur la jetée. Pour moi, j'allais prendre mon logement derrière le théâtre des Florentins. Ma journée se passa à parcourir la rue de Tolède, la place du Môle, à visiter le musée des études. Puis j'allais le soir voir le ballet à San Carlo. J'y fis rencontre du marquis Gargallo, que j'avais connu à Paris et qui me mena pour le spectacle prendre le thé chez ses sœurs. Jamais je n'oublierai la délicieuse soirée qui suivit. La marquise faisait les honneurs d'un vaste salon rempli d'étrangers. La conversation était un peu celle des précieuses. Je me croyais dans la chambre bleue de l'hôtel Rambouillet. Les sœurs de la marquise, belles comme les grâces, renouvelaient pour moi les prestiges de l'ancienne Grèce. On discuta longtemps sur la forme de la pierre d'Éleusis, se demandant si sa forme était triangulaire ou carrée. La marquise aurait pu prononcer en toute assurance, car elle était belle et fière comme Vesta. Je sortis du palais la tête étourdie de cette discussion philosophique et je ne pus parvenir à retrouver mon domicile. À force d'errer dans la ville, je devais y être enfin le héros de quelque aventure. La rencontre que je fis cette nuit-là est le sujet de la lettre suivante que j'avançai plus tard à celle dont j'avais cru fuir l'amour fatal en m'éloignant de Paris. Je suis dans une inquiétude extrême. Depuis 4 jours, je ne vous vois pas ou je ne vous vois qu'avec tout le monde. J'ai comme un fatal pressentiment. Que vous ayez été sincère avec moi, je le crois. Que vous soyez changé depuis quelques jours, je l'ignore, mais je le crains. Mon Dieu, prenez pitié de mes incertitudes. ou vous attirez sur nous quelque malheur. Voyez, ce serait moi-même que j'accuserais pourtant. J'étais timide et dévoué plus qu'un homme ne le devrait montrer. J'ai entouré mon amour de tant de réserves. J'ai craint si fort de vous offenser, vous qui m'en aviez tant puni une fois déjà, que j'ai peut-être été trop loin dans ma délicatesse, et que vous avez pu me croire refroidi. Eh bien, j'ai respecté un jour important pour vous. J'ai contenu des émotions à briser l'âme, et je me suis couvert d'un masque souriant, moi, dont le cœur haletait et brûlait. D'autres n'auront pas eu tant de ménagement, mais aussi nul ne vous a peut-être prouvé tant d'affection vraie, et n'a si bien senti tout ce que vous valez. Parlons franchement. Je sais qu'il est des liens qu'une femme ne peut briser qu'avec peine, des relations incommodes qu'on ne peut rompre que lentement. Vous ai-je demandé de trop pénibles sacrifices? Dites-moi vos chagrins, je les comprendrai. Vos craintes, votre fantaisie, les nécessités de votre position, rien de tout cela ne peut ébranler l'immense affection que je vous porte, ni troubler même la pureté de mon amour. Mais nous verrons ensemble ce qu'on peut admettre ou combattre, et s'il était des nœuds qu'il fallut trancher et non dénouer, reposez-vous sur moi de ce soin. Manquer de franchise en ce moment serait de l'inhumanité peut-être, car je vous l'ai dit, ma vie ne tient rien qu'à votre volonté, et vous savez bien que ma plus grande envie ne peut être que de mourir pour vous. Mourir, grand Dieu! Pourquoi cette idée me revient-elle à tout propos, comme s'il n'y avait que ma mort qui fût l'équivalent du bonheur que vous me promettez? La mort! Ce mot ne répand cependant rien de sombre dans ma pensée. Elle m'apparaît couronnée de roses pâles, comme à la fin d'un festin. J'ai rêvé quelquefois qu'elle m'attendait en souriant au chevet d'une femme adorée, après le bonheur, après l'ivresse, et qu'elle me disait « Allons, jeune homme, tu as eu toute ta part de joie en ce monde. À présent, viens dormir, viens te reposer dans mes bras. Je ne suis pas belle, moi, mais je suis bonne et secourable. Je ne donne pas le plaisir, mais le calme éternel. » Mais où donc cette image s'est-elle déjà offerte à moi? Ah, je vous l'ai dit, c'était à Naples, il y a 3 ans. J'avais fait rencontre dans la nuit, près de la Villa Reale, d'une jeune femme qui vous ressemblait, une très bonne créature dont l'état était de faire des broderies d'or pour les ornements d'église. Elle semblait égarée d'esprit. Je la reconduisis chez elle, bien qu'elle me parlât d'un amant qu'elle avait dans les gardes suisses et qu'elle tremblait de voir arriver. Pourtant, elle ne fit pas de difficulté de m'avouer que je lui plaisais davantage. Que vous dirais-je? Il me prit fantaisie de m'étourdir pour tout un soir, et de m'imaginer que cette femme, dont je comprenais à peine le langage, était vous-même, descendue à moi par enchantement. Pourquoi vous tairais-je toute cette aventure, et la bizarre illusion que mon homme accepta sans peine, surtout après quelques verres de lacrymistie mousseux qui me furent versés au souper? La chambre où j'étais entré avait quelque chose de mystique, par le hasard ou par le choix singulier des objets qu'elle renfermait. Une madone noire couverte d'oripeaux, et dont mon hôtesse était chargée de rajeunir l'antique parure, figurait sur une commode près d'un lit aux rideaux de serge verte. Une figure de sainte Rosalie, couronnée de roses violettes, semblait plus loin protéger le berceau d'un enfant endormi. Les murs, blanchis à la chaux, étaient décorés de vieux tableaux des 4 éléments représentant des divinités mythologiques. Ajoutez à cela un beau désordre d'étoffes brillantes, de fleurs artificielles, de vases étrusques, des miroirs entourés de clinquants qui reflétaient vivement la lueur de l'unique lampe de cuivre, et sur une table, un traité de la divination et des songes qui me fit penser que ma compagne était un peu sorcière ou bohémienne, pour le moins. Une bonne vieille, au grand trait solennel, allait, venait, nous servant. Je crois que ce devait être sa mère, et moi, tout pensif. Je ne cessais de regarder sans dire un mot celle qui me rappelait si exactement votre souvenir. Cette femme me répétait à tout moment « Vous êtes triste ?» et je lui dis « Ne parlez pas, je puis à peine vous comprendre. L'italien me fatigue à écouter et à prononcer. « Oh » dit-elle, « je sais encore parler autrement. » Et elle parla tout à coup dans une langue que je n'avais pas encore entendue. C'était des syllabes sonores, gutturales, gazouillements pleins de charme, une langue primitive sans doute, de l'hébreu, du syriaque, je ne sais. Elle sourit de mon étonnement et s'en alla à sa commode, d'où elle tira des ornements de fausses pierres, colliers, bracelets, couronnes. S'étant parée ainsi, elle revint à table, puis resta sérieuse fort longtemps. La vieille, en rentrant, poussa de grands éclats de rire et me dit, je crois, que c'était ainsi qu'on la voyait au fait. En ce moment, l'enfant se réveilla et se prit à crier. Les deux femmes coururent à son berceau, et bientôt la jeune revint près de moi, tenant fièrement dans ses bras le bambino soudainement apaisé. Elle lui parlait dans cette langue que j'avais admirée. Elle l'occupait avec des agaceries pleines de grâce, et moi, peu accoutumé à l'effet des vins brûlés du Vésuve, je sentais tourner les objets devant mes yeux. Cette femme, aux manières étranges, royalement parée, fière et capricieuse, m'apparaissait comme une de ces magiciennes de Thessalie à qui l'on donnait son âme pour un rêve. Oh, pourquoi n'ai-je pas craint de vous faire ce récit? C'est que vous savez bien que ce n'était aussi qu'un rêve, où seul vous avez régné. Je m'arrachai à ce fantôme qui me séduisait et m'effrayait à la fois. J'errai dans la ville déserte jusqu'au son des premières cloches. Puis, sentant le matin, je pris par les petites rues derrière Kiaïa et je me mis à gravir le Posilip au-dessus de la grotte. Arrivé tout en haut, je me promenais en regardant la mer déjà bleue, la ville où l'on n'entendait encore que les bruits du matin et les îles de la baie où le soleil commençait à dorer le haut des villas. Je n'étais pas attristé le moins du monde. Je marchais à grands pas, je courais, je descendais les pentes, je me roulais dans l'herbe humide, mais dans mon cœur, il y avait l'idée de la mort. Ô Dieu, je ne sais quelle profonde tristesse habitait mon âme, mais ce n'était autre chose que la pensée cruelle que je n'étais pas aimé. J'avais vu comme le fantôme du bonheur, j'avais usé de tous les dons de Dieu, j'étais sous le plus beau ciel du monde, en présence de la nature la plus parfaite, du spectacle le plus immense qu'il soit donné aux hommes de voir, mais à 400 lieues de la seule femme qui exista pour moi et qui ignorait jusqu'à mon existence. N'être pas aimé et n'avoir pas l'espoir de l'être jamais. C'est alors que je fus tenté d'aller demander compte à Dieu de ma singulière existence. Il n'y avait qu'un pas à faire. À l'endroit où j'étais, la montagne était coupée comme une falaise. La mer grondait au bas, bleue et pure. Ce n'était plus qu'un moment à souffrir. Oh, l'étourdissement de cette pensée fut terrible. Deux fois, je me suis élancé, et je ne sais quel pouvoir me rejeta vivant sur la terre, que j'embrassais. Non, mon Dieu, vous ne m'avez pas créé pour mon éternelle souffrance. Je ne veux pas vous outrager par ma mort. Mais donnez-moi la force, donnez-moi le pouvoir, donnez-moi surtout la résolution, qui fait que les uns arrivent au trône, les autres à la gloire, les autres à l'amour. Pendant cette nuit étrange, un phénomène assez rare s'était accompli. Vers la fin de la nuit, toutes les ouvertures de la maison où je me trouvais s'étaient éclairées, une poussière chaude et soufrée m'empêchait de respirer, et laissant ma facile conquête endormie sur la terrasse, je m'engageais dans les ruelles qui conduisent au château Saint-Elme. À mesure que je gravissais la montagne, l'air pur du matin venait gonfler mes poumons. Je me reposais délicieusement sous les treilles des villas, et je contemplais sans terreur le Vésuve couvert encore d'une coupole de fumée. C'est en ce moment que je fus saisi de l'étourdissement dont j'ai parlé. La pensée du rendez-vous qui m'avait été donné par la jeune Anglaise m'arracha aux fatales idées que j'avais conçues. Après avoir rafraîchi ma bouche avec une de ces énormes grappes de raisin que vendent les femmes du marché, je me dirigeais vers Portici et j'allais visiter les ruines d'Herculanum. Les rues étaient toutes saupoudrées d'une cendre métallique. Arrivé près des ruines, je descendis dans la ville souterraine et je me promenai longtemps d'édifice en édifice, demandant à ces monuments le secret de leur passé. Le temple de Vénus, celui de Mercure, parlait en vain à mon imagination. Il fallait que cela fût peuplé de figures vivantes. Je remontai à Portici et m'arrêtai pensif sous une treille en attendant mon inconnue. Elle ne tarda pas à paraître, guidant la marche pénible de son père, et me serra la main avec force en me disant « C'est bien ». Nous choisîmes un voiturin et nous allâmes visiter Pompéi. Avec quel bonheur je la guidais dans les rues silencieuses de l'antique colonie romaine. J'en avais d'avance étudié les plus secrets passages. Quand nous arrivâmes au petit temple d'Isis, j'eus le bonheur de lui expliquer fidèlement les détails du culte et des cérémonies que j'avais lues dans Apulée. Elle voulut jouer elle-même le personnage de la déesse, et je me vis chargé du rôle d'Osiris, dont j'expliquais les divins mystères. En revenant, frappé de la grandeur des idées que nous venions de soulever, je n'osais lui parler d'amour. Elle me vit si froid qu'elle m'en fit reproche. Alors je lui avouai que je ne me sentais plus digne d'elle. Je lui contai le mystère de cette apparition qui avait réveillé un ancien amour dans mon cœur et toute la tristesse qui avait succédé à cette nuit fatale où le fantôme du bonheur n'avait été que le reproche d'un parjure. Hélas, que tout cela est loin de nous. Il y a 10 ans, je repassais à Naples, venant d'Orient. J'allais descendre à l'hôtel de Rome et j'y retrouvais la jeune Anglaise. Elle avait épousé un peintre célèbre qui, peu de temps après son mariage, avait été pris d'une paralysie complète. Couché sur un lit de repos, il n'avait rien de mobile dans le visage que 2 grands yeux noirs, et jeune encore, il ne pouvait même espérer la guérison sous d'autres climats. La pauvre fille avait dévoué son existence à vivre tristement entre son époux et son père, et sa douceur, sa candeur de vierge, ne pouvait réussir à calmer l'atroce jalousie qui couvait dans l'âme du premier. Rien ne put jamais l'engager à laisser sa femme libre dans ses promenades. Il me rappelait ce géant noir qui veille éternellement dans la caverne des génies et que sa femme est forcée de battre pour l'empêcher de se livrer au sommeil. Ô mystère de l'âme humaine, faut-il voir dans un tel tableau les marques cruelles de la vengeance des dieux? Je ne pus donner 1 jour au spectacle de cette douleur. Le bateau qui me ramenait à Marseille emporta comme un rêve le souvenir de cette apparition chérie, et je me dis que peut-être j'avais laissé là le bonheur. Octavie en a gardé près d'elle le secret. Ainsi s'achève Octavie par Gérard de Nerval.